On n'est pas amis, m'appelle pas frérot. J'ai fait la sélection, t'es pas dans les quotas. Maintenant des teutrés, y'en a zéro. Pour entrer dans mon cercle, à présent c'est trop tard. Et je te jure c'est trop d'art, car je porte l'étendard. Des mecs qui s'en sortent, ils ont caché les clés. Arrivé devant la porte, j'avais pas de horde. Je montais sans les cordes, juste mes couilles, une épée. Le rap français en manque de nouveauté. Je me renouvelle tellement qu'à chaque morceau que je sors, tu crois entendre un nouveau né. C'est que le commencement entrave mon avancement et tu finis dans le décor. Tes organes dans le désordre. Pour retrouver tes os, démarre une chasse au trésor. Franco-africain, moi je suis un peu schizo. Sénégal, Mali, dans patrimoine génétique. Trop français pour pouvoir partager leur vision. Trop renois pour société avec un antique. Tu guettes ma sémantique, souffrance dans mes propos. J'ai vu et j'ai enregistré en 4K. Mes yeux remplacent la GoPro. Verront quand je toucherai le gros lot. La vie est plus marrante depuis que j'ai du papier. Dans quelques mois tu verras les portes papillons. J'ai toujours préféré prendre l'escalier. L'avancée est menaçante comme un galion. Des galères à chaque fois que je franchis palier. La mentale de Caral, je suis dans Pygmalion. L'habitude de bouger avec peu d'alliés. 50 moutons ne vaudront jamais 3 lions. Tu peux pas tenir si t'as pas le Reatsu. Yamamoto porte Gasenatsu. Toujours chaud bouillant, tu peux compter là-dessus. Ils essayent de me nuire en vain. Mais j'ai les techniques des anciens. Meilleur ami tant que à temps plein. J'ai plus de marche arrière. Si je commence tu vas perdre le sourire. J'ai plus de marche arrière. Me retenez pas vu